الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وقال سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها في هاتين الآيتين بيان من الله سبحانه وتعالى أن من الناس من هو ميت وأن من الناس من هو حي ولا حياة حقيقية ولا سعيدة للقلوب ولا للأبدان إلا بذكر الله عز وجل لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت وهذه الدنيا يا إخواننا دار ابتلاء وامتحان دار بلاء فهذا يبتلى في دينه وهذا يبتلى في ماله وهذا في أولاده وهذا في زوجته وهذه بزوج ظالم وهذا بالمرض فتجتمع على الناس الهموم والأحزان فما المخرج من هذه الفتن يا عباد الله علاج الأحزان وعلاج جميع الفتن بذكر الله عز وجل والإكثار منه قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فذكر الله عز وجل عبادة عظيمة من أجل العبادات لا يستغني عنها مسلم هو قوت القلوب راحة النفس قوة الأبدان وقد كثرت النصوص الدالة على عظمة هذه العبادة وفضائلها فذكر الله خير الأعمال عند الله تبارك وتعالى عن أبي درد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله رواه أحمد فبذكر الله رضا رب العالمين رفعة الدرجات في العليين ذكر الله أفضل الأعمال. قال معاذ: آخر ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. رواه الطبراني. فمن أكثر من ذكر الله يوشك أن يموت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان رضي الله عنه: أفضل المال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينك على الإيمان، تعينه على إيمانه. رواه الترمذي. عباد الله، إن لكم أعداء وعدوكم الأكبر هو الشيطان اللعين، هو الشيطان اللعين. فلا بد لنا أن نحترز منه، فلا بد أن نحترز منه كي ننجو منه. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرز ناج بإذن الله عز وجل، فقال كما في الحديث الطويل في قصة يحيى: وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله، فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. أخرجه الترمذي. ذكر الله جنة من النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه البيهقي. فيا من خاف الموقف بين يدي العزيز الجبار يوم القيامة، ويا من خاف من عذاب الله، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، سلمكم الله. ومن أكبر فضائل هذه العبادة المعية الخاصة، أن يكون الله رب أن يكون الله رب العالمين معك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، وأنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه ابن ماجه. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالله رب العالمين على الإكثار من ذكر الله، وكان يكثر أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأرشد الصحابة إلى ذلك، فقال لهم: ألا تحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن كذلك يا عباد الله، علينا أن نستكثر من طلب العون من الله رب العالمين. وليس لنا حول ولا قوة إلا بالله العزيز، فلولا الله ما سجدنا له سجدة ولا ركعنا له ركعة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فما من عمل عملته إلا بعد توفيق من الله عز وجل. فالحمد لله الذي وفقنا فعبدناه وذكرناه، ولولاه ما عبدناه. فما أكرمه من إله وما أعظم شأنه. ثم بعد ذلك يا عباد الله، اعلموا أن خير المجالس هي مجالس الذكر، مجالس التي تسمع فيها قال الله عز وجل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة، رضي الله عنهم. وقال العلماء هذه المجالس مجالس الذكر ومجالس العلم هي أنفع المجالس في الدنيا والآخرة، كيف لا، وهي سبب دخول الجنة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. لذا قال العلامة ابن تيمية: من لم يدخل الجنة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة، لم يدخل جنة الآخرة. فسئل عنه فقال: معرفة الله. الجنة في الدنيا مجالس الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة، غنيمة مجالس الذكر الجنة. وسمى هذه المجالس روضة، روضة من رياض الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لعظمة هذه المجالس والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن لزم هذه المجالس: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعرابي على ركبتيه وقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه. رواه الطبراني. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يجعلنا ممن لزم مجالس الذكر وأكثر من ذكر الله. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الله nous dit dans son livre: Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à la vie. Et Allah dit dans le Coran: est-ce que celui qui était mort, est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie, puis nous lui avons donné une lumière, c'est-à-dire le Coran, afin qu'il marche au milieu des gens, est-ce que celui-ci est semblable à celui qui marche dans les ténèbres et il n'arrive pas à en sortir? Est-ce que celui qui était mort, à qui on a redonné la vie, c'est-à-dire par la foi, par le tawhid, par la ilaha illallah, est-ce que celui-ci est semblable avec celui qui marche dans les ténèbres et qui n'arrive pas à en sortir? Est-ce que celui-ci est semblable avec celui qui marche dans la mécréance, qui marche dans l'égarement, qui marche dans l'insouciance? Sans aucun doute, ils ne sont pas au même niveau. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que sur cette terre, certaines personnes sont mortes. Certaines personnes sont mortes et d'autres personnes sont vivantes. Et sachez qu'il n'y a pas de véritable vie, ni la vie des cœurs, ni la vie du corps, si ce n'est avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est avec le suivi de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'exemple de celui qui évoque Allah et l'exemple de celui qui n'évoque pas Allah est semblable aux vivants et aux morts. Celui qui loue Allah et l'évoque, celui-ci est vivant. Et celui qui ne parle jamais d'Allah et n'évoque jamais Allah, même si tu le vois marcher dans ce bas monde-là, sache qu'il est mort. Et dans ce bas monde, nous sommes tous sujets à l'épreuve. Certains sont éprouvés par la maladie. Certains sont éprouvés par leurs parents. D'autres par leurs enfants. D'autres par leurs épouses. D'autres par la pauvreté. Et les soucis. Et la tristesse s'emmagasinent. Et les gens viennent se plaindre. J'ai tel problème et tel problème. Ne vais-je pas vous annoncer? Ne vais-je pas vous enseigner une adoration par laquelle Allah dissipera tous vos soucis? Une adoration par laquelle il y aura la vie des cœurs? Une adoration par laquelle toute tristesse et toute difficulté disparaîtra? Zikrullah azza wa jal. Le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala souvent, et le fait de parler d'Allah azza wa jal, et le fait d'assister au rappel où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela est le remède à tous les maux et à toutes les difficultés. Le fait de se souvenir d'Allah azza wa jal et le fait de l'évoquer avec abondance. Allah nous dit dans son livre, ô vous qui avez cru, évoquez Allah de manière abondante. Et Allah nous dit dans son livre, n'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Sans aucun doute, avec le rappel d'Allah, on goûte à la sérénité, à la tranquillité. Il nous faut donc évoquer Allah et le louer avec abondance. Et les textes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont très nombreux pour nous enseigner le grand bienfait de cette adoration et la grande place qu'elle occupe dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne vais-je pas vous annoncer la meilleure action et la plus pure auprès de votre roi, votre Seigneur, c'est-à-dire Allah, et celle qui vous élèvera le plus en degré, meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleure pour vous que de rencontrer l'ennemi dans le combat, de le taper à la gorge ou qu'il vous tape lui à la gorge, meilleure que cela, ne vais-je pas vous annoncer cela? Ils ont dit certes au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le rappel d'Allah est mieux que tout ça. Le rappel d'Allah est mieux que tout ça. Donc avec le rappel d'Allah, tu gagneras l'agrément d'Allah et tu seras élevé en degré dans ce bas monde et dans le delà. Bi'idhnillahi ta'ala. Le rappel d'Allah est la meilleure œuvre. Mu'adh radiallahu anhu nous dit, la dernière chose par laquelle je me suis séparé du messager d'Allah est que je lui ai dit, au messager d'Allah, quelle est l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah? Il me dit que tu meurs alors que ta langue est en train d'évoquer Allah. Que tu meurs alors que ta langue est en train d'évoquer Allah. Et sachez mes frères, que celui qui veut mourir en faisant du dhikr, il lui faut faire beaucoup de dhikr tout au long de la journée. Car celui qui vit sur une chose, Allah lui facilitera une mort dessus. Et sans aucun doute, le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah. Le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Sachez qu'on a tous des ennemis. Et le plus grand de nos ennemis, le plus dangereux, c'est al-shaytan, c'est le diable. Celui-ci essaie de nous faire tomber dans la mécréance. Celui-ci essaie de nous freiner dans les bonnes actions. Alors il nous faut une protection et un bouclier pour nous préserver de ses flèches empoisonnées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est venu dans le hadith, et le serviteur ne peut être sauvé du diable si ce n'est avec le rappel d'Allah. Donc le rappel d'Allah est une protection contre le diable. De la même façon, c'est une protection contre le châtiment de l'enfer. C'est une protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas une chose qui nous sauve plus du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah. Il n'y a pas une chose qui sauve plus du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah. Donc, si tu as peur d'Allah, et si tu crains de comparaître devant lui, et si tu crains sa menace, et si tu crains le feu de l'enfer, alors évoque Allah de manière abondante, afin qu'il te préserve du feu de l'enfer. Et parmi les plus grands bienfaits d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'Allah sera avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah dit, et je suis avec mon serviteur s'il m'évoque. Et je suis avec mon serviteur lorsqu'il m'évoque. Lorsqu'il m'évoque et que ses lèvres bougent par ma cause. Et si Allah est avec toi, il te secourera, il te préservera et il te facilitera les meilleurs chemins. Et te préservera de tous les maux et des chemins de l'égarement et des chemins du shaitan. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait l'aide auprès d'Allah afin d'évoquer Allah de manière abondante. Et il disait, ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à t'invoquer. Aide-moi à me souvenir de toi et à t'évoquer. À être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure façon. Il a dit aux compagnons, est-ce que vous voulez que je vous donne une cause pour faire beaucoup de zikr? Ils ont dit certes au messager d'Allah. Il leur a dit de dire cette invocation-là. Allahumma a'in ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-nous à nous souvenir de toi ou bien à t'évoquer. À être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la meilleure façon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature la plus noble. C'est la personne la plus pieuse. La personne qui adorait Allah le plus. Il se tenait debout la nuit jusqu'à ce que ses talons s'ouvraient. Tellement il adorait Allah azza wa jal. Dans une seule assise, il disait plus de 70 fois Astaghfirullah wa atubu ilayh. Et malgré ça, il recherchait l'aide auprès d'Allah pour faire beaucoup de dhikr. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Et de cela on comprend une chose énorme. C'est que toute personne qui réussit à adorer Allah, c'est pas de par son intelligence, c'est pas de par sa force, mais c'est parce que Allah Azza wa Jal lui a facilité cette adoration. Et wallahi, si ce n'était pas Allah Azza wa Jal, on n'aurait pas pu faire une prosternation. Et on n'aurait pas réussi à dire Shahadat al-Haq, La ilaha illallah. Et chaque jour, à chaque heure, il y a des gens qui rentrent dans la religion d'Allah et ils prononcent cette parole-là. La semaine dernière, dans cette mosquée, une femme juive est venue et a prononcé cette parole-là. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et aujourd'hui, il y a un homme qui est venu encore pour se convertir. Et la semaine dernière, il y a une femme qui s'est convertie. Et la semaine dernière encore, il y a un homme qui s'est converti. Et chaque semaine, Allah guide des gens à cette religion par le meilleur dhikr. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On doit donc remercier Allah, celui qui nous a guidés à cette religion et celui qui nous a permis de le louer. Et si ce n'était pas par sa grâce, on n'aurait pas pu le louer et on n'aurait pas pu l'adorer. Falhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Après avoir compris tout cela, sachez mes frères et sachez mes sœurs que les meilleures assises et les meilleures choses sur lesquelles on peut s'asseoir et se réunir, c'est le rappel d'Allah. Et le meilleur endroit pour se réunir pour le rappel d'Allah, c'est la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé, qu'est-ce qu'on a gagné à nous asseoir dans ces assises-là? Il a dit, le paradis. Celui qui vient dans ces assises pour apprendre sa religion, il gagnera le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui vient dans les assises de rappel, celui qui vient dans les assises de rappel et se réunit avec ses frères pour cela, il y a une voix qui appelle et dit, levez-vous, on vous a pardonné vos péchés et on a changé toutes vos mauvaises actions en bonnes actions. Subhanallah. Subhanallah. Ma akramahu min ilah. Vous venez dans une assise comme celle-ci, vous venez apprendre votre religion, vous venez goûter à la sérénité du cœur, et lorsque vous partez, Allah transforme tous vos péchés en bonnes actions. Il vous pardonne vos péchés et vous accorde le paradis. Comment après cela on pourrait ne pas s'asseoir dans ce genre d'assises? Comment après cela on pourrait ne pas évoquer Allah de manière abondante? Et pour conclure, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: très certainement Allah va ressusciter des gens. Le jour de la résurrection, leurs visages seront resplendissants. Leurs visages seront resplendissants. Et lorsque les gens vont les regarder, yawm al-qiyama, ils seront éblouis, tellement leur visage sera illuminé. Tellement leur visage sera illuminé. Ils seront assis sur des trônes faits de perles précieuses. Subhanallah. Ils seront assis sur des trônes faits de perles précieuses. Lorsque les sahaba ont entendu cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord a continué et a dit: yarbitumuhum al-anbiya wash-shuhada. Les prophètes, lorsqu'ils vont les voir, ils vont les envier. Les martyrs, lorsqu'ils vont les voir, ils vont les envier. Et ils seront proches à la droite du tout miséricordieux. Alors un bédouin est tombé sur ses genoux et a dit: ô messager d'Allah, mais qui sont-ils? Qui sont-ils, ô messager d'Allah, afin qu'on les reconnaisse? Afin qu'on les reconnaisse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont des gens qui viennent de différents pays, qui viennent de différentes tribus. Ils se sont aimés pour Allah et se sont réunis pour le rappel d'Allah. Ils se sont aimés pour Allah et se sont réunis pour le rappel d'Allah. Ils ne sont pas de la même nationalité. Ils ne sont pas du même pays. Qu'est-ce qui les a réunis? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الْمُتَحَابِّينَ فِي جَلَالِهِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك. اللهم أعنا على ذكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لي ولوالدينا. اللهم اغفر لي ولوالدينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا. اللهم اشف أمهاتنا وارحم آباءنا. وارحم آباءنا. اللهم ارحم آباءنا وأمواتنا والحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح استو تراسو هذا بين المناكب والأقدام وسد الخلل تراسو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين